Attention, attention. Sorties fréquentes dans les marchés, gaspillage d'argent, passer beaucoup de temps devant le miroir. Si tu le fais pour ton mari, ça sera une adoration d'Allah et tu auras la récompense. Mais si tu fais pour autre chose, là c'est dangereux. Quoique les femmes, bien sûr, ne sont pas les mêmes. Le deuxième point d'arrêt, c'est que la parure obéit à des règles strictes qu'il faut respecter. Et suivant Ibn Mas'ud, c'est un hadith authentique, marfou', il remonte jusqu'au prophète, il a dit que Dieu maudisse celles qui font le tatouage et celles qui se font tatouer, celles qui taillent les sourcils et celles qui se les font tailler, celles qui se liment les dents, dénaturant ainsi la création de Dieu. Et dans un autre hadith, c'est-à-dire celle qui s'éclaircit la peau. Dieu a maudit celle qui rend sa peau claire par les maquillages, par des traitements spéciaux. Donc, ça c'est interdit. Aussi, si dans cette parure, elle essaie de ressembler aux mécréants, aux kuffars, ou aux hommes, ou si elle porte un vêtement qui attire l'attention, un vêtement de notoriété, même un hijab, mais si ce hijab, vraiment, il attire, il est brillant, ou une couleur qui attire l'attention, il est interdit. Donc tout cela est illicite. Le prophète a dit, celui qui porte un vêtement qui attire les regards, Dieu le lui fera porter le jour de la résurrection et le brûlera dans le feu de l'enfer. Hadith rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan. Et il est authentique. Il est aussi illicite de se faire une beauté pour séduire les étrangers. Ou pour aller à une fête ou aller au marché. Tout cela est interdit. Il attire la colère d'Allah. Donc il ne faut pas oublier une chose. C'est que le meilleur produit de beauté, c'est le siwak. Comme a dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon nettoyeur pour la bouche et il apporte la satisfaction de Dieu pour la bouche. Et maintenant, bon, les médecins ont découvert beaucoup de vertus dans le siwak. Produit de beauté, un autre produit de beauté, les ablutions. Le wudu, vous savez ce que ça veut dire les ablutions? En langue arabe, c'est quoi? C'est wudu. Mais le terme wudu vient de quoi, wudu? Wudu vient du terme wada'a. Wada'a, ça veut dire quoi? On dit une personne est wadi. Wadi, ça veut dire beau. Donc, le fait de laver le visage 5 fois, de faire les ablutions, ça rend la personne belle. La prière aussi, ça rend la personne belle. Le prophète sallam a dit dans hadith de muslim, la prière est une lumière. La prière est une lumière. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit Simahum fi wujuhim min athar as-sujud. Il porte comme un signe sur le visage la trace de la prosternation. Donc, le visage est illuminé grâce à la prosternation. Comme dit Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le surat 48 et le verset 29. Et en général, toutes les adorations donnent une beauté, un éclat au visage. Le prophète sallam a dit, dans un exemple, adoration, comme par exemple la da'wa, propager le message, ça rend beau. Comment ça, ça rend beau? Le prophète sallam dit, que Dieu fasse resplendir de beauté quelqu'un qui a entendu quelque chose de ce que nous avons dit et l'a transmise tel qu'il l'a entendu. Hadith rapporté par Tirmidhi, et c'est un hadith authentique selon Ibn Mas'ud. Que Dieu fasse resplendir de beauté. Beauté matérielle. Donc toutes ces adorations rendent la personne belle. Tu veux être belle? Ben, les ablutions, les adorations suffisent. Et ça on le voit. Quand une fille qui était avant dans le Jahiliya, dans perversité, et quand elle se repent et porte le hijab et se conforme sincèrement aux prescriptions de l'islam, son visage, subhanallah, il éclate de beauté. Il y a une lumière qui se dégage d'elle. il y a une lumière, subhanallah. C'est une vraie perle. Mais attention, quand une sœur dévie de la voie, il y a des sœurs qui, Allah l'afia, qui tournent le dos. Ils dévient de la voie. Ils abandonnent la prière ou ils abandonnent le hijab, leur visage agib, il s'obscurcit. Et là, si Allah subhanahu wa ta'ala enlève cette beauté, cet éclat, tu ne peux pas le retrouver. Ça y est. Même si tu essaies d'y remédier avec les maquillages les plus chers sur terre, même si tu multiplies les peintures, tu ne peux plus retrouver cet éclat et cette beauté-là. Comme art également, comme art dans le comportement avec l'époux, c'est d'être joyeuse, douce, séduisante dans ses manières. Écoute, chère sœur, la majorité des jeunes garçons, des hommes qui veulent se marier, ils disent « je veux qu'elle soit joviale ». Car par ses paroles douces, ses sourires radieux, sa légèreté, elle emplit le foyer de bonheur, elle casse la routine. Rappelle-toi bien ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Jabir lors du retour d'une expédition. Il lui a dit « pourquoi pas une jeune fille avec qui tu jouerais et qui jouerait avec toi, que tu ferais rire et qui te ferait rire ». Donc l'un des objectifs du mariage, c'est comme ça, c'est jouer avec l'épouse et de la faire rire, et vice-versa. Car ce geste-là, par ce geste-là, elle attendrit le cœur de son époux, et elle le possède, de sorte qu'il ne regarde pas une autre personne, il ne regarde qu'elle. Un jour, le prophète sallam a eu en lui un ressentiment contre sa fille. Oui, c'était lors du retour d'un voyage, et puis il a trouvé sa fille mécontente, et il lui a dit « qu'est-ce que tu as ?» Il l'a vu en train de pleurer, et le professeur Salim l'a commencé à essuyer ses pleurs par sa main noble. Et il lui a dit « qu'est-ce que tu as ?» Il lui dit « tu m'as fait porter sur une chamelle qui est très lente. Elle m'a laissé derrière. » Et le professeur Salim a essayé de la consoler, de la faire taire, mais il n'a pas cessé de pleurer. Le professeur Salim, il a eu un ressentiment contre elle, il s'est mis en colère. Et là, sa fille, elle a voulu rétablir la chose, son épouse, et il a dit à Aïcha radiallahu anha, peux-tu rendre l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, content de moi et je t'offre ma journée. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il partage, chaque jour, il le consacre à une de ses épouses, chaque jour et chaque nuit. Et Aïcha, il a dit d'accord. Et qu'a-t-il fait, Aïcha radiallahu anha? Ben, il a mis un voile, et il l'a parfumé avec du safran et il l'a aspergé d'eau, il l'a aspergé pour que l'odeur s'exhale mieux. Et il entra chez le prophète sallam et s'approcha doucement de lui. Et le prophète sallam lui dit « écarte-toi de moi, Aïcha, ce n'est pas ton jour ». Et il a dit, radiyallahu anha, il a dit « dhalika fadlullah yu'ti ma yasha », telle est la grâce de Dieu, il en gratifie qui il veut. Telle est la grâce de Dieu, il en gratifie qui il veut. Et lui a fait part de ce que sa fille lui a dit, et le prophète sallam, il a fini par agréer sa fille radhiyallahu anha. Ce hadith, il est rapporté par Ibn Majah, il est qualifié d'authentique par Cheikh Albani dans l'Irwa, c'est-à-dire dans son ouvrage Irwa al-Ghali. Donc tire la leçon de l'éducatrice des hommes et des générations, Aïcha radhiyallahu anha. Coquetterie, c'est parfumé. Elle s'est approchée du prophète sallam, c'est ainsi que tu posséderas le cœur de ton époux et le rendre prisonnier de toi. Gloire à celui qui a mis dans la femme ce pouvoir magique. Et c'est pour cela que dans la nuit des noces, lors de la première rencontre et le premier toucher, à l'homme de faire cette invocation. Le prophète sallam a recommandé à l'homme de faire l'invocation suivante. Seigneur Allah, accorde-moi sa bonté et la bonne nature selon laquelle tu l'as créée. Que mon refuge soit en toi contre sa mauvaiseté et la mauvaise nature selon laquelle tu l'as créée. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jubilat alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayha. Hadith rapporté par un muslim. Mauvaiseté, c'est-à-dire mauvaise humeur, ingratitude, âpreté, plainte multiple, étroitesse, crispation dans le visage, blottissement sur soi-même, amertume, réplique sévère, changement brutal de tempérament. Que notre refuge soit en Allah contre cette mauvaiseté. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous devions faire l'invocation suivante: Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah dit dans le Coran: Notre Seigneur, accorde-nous fraîcheur des yeux en nos épouses et nos progénitures, et fais de nous un modèle pour ceux qui veulent se prémunir. Dans Surat Al-Furqan, Surat 25. Comme art également, c'est reconnaître le bienfait de l'époux et exprimer sa gratitude à lui. Dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela les femmes. Un jour, il appela, il a réuni les femmes, et il a dit: femmes, tâchez de faire de l'aumône, car j'ai vu que vous formez le plus grand nombre des gens de l'enfer. Allah hafiya. Ya ma'shar an-nisa itasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar. Faites beaucoup de monde, car j'ai vu que vous formiez le plus grand nombre des gens de l'enfer. Et une femme intervint et dit: à cause de quoi, envoyé d'Allah? Bima ya Rasulallah. Et il a dit le prophète, vous multipliez les malédictions et vous êtes ingrate envers le compagnon de la vie. Tukthirna al-la'na wa takfurna al-'ashir. Vous faites le kufr de kufr an-ni'ma. Vous êtes ingrate envers le compagnon de la vie. Et il a dit à nouveau la femme: en quoi consiste cette ingratitude? Wama kufrano. Regarde comment les femmes, à l'époque, comment ils cherchent. Ils cherchent ce qui les rapproche d'Allah. Ils cherchent ce qui est mal pour l'éviter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu agis bellement envers elle toute ta vie et qu'elle voit un jour en toi une négligence, minime soit-elle, elle dit: je n'ai jamais vu en toi quelque chose de bien. قال لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط. Ce hadith rapporté par Al-Bukhari. Et attention à cette ingratitude. Le droit de l'époux, il est très important. Comme j'ai dit tout à l'heure, juste après le droit d'Allah, vient le droit de l'époux. Beaucoup d'époux se plaignent de l'ingratitude de leurs épouses. Ils disent: je fais tout pour la rendre heureuse. Je lui achète des cadeaux. Je la fais sortir, on se promène, sans jamais entendre d'elle moindre remerciement. Rarement, et s'il le dit, c'est en marmonnant. On dirait que le... Subhanallah, on a perverti, on a changé l'esprit des gens, les hommes et les femmes. Et par la télé, la vidéo, tous les moyens, ils ont perverti, ils ont changé les esprits, ils ont changé la culture. Au point que l'homme, il se croit, les deux époux, ils se croient qu'ils sont sur un ring, en train de boxer l'un l'autre. Et qu'il ne faut pas que l'un d'eux baisse la garde parce qu'il va recevoir le coup de l'autre. C'est comme ça qu'ils nous font montrer la vie conjugale, les ennemis de l'islam. Alors que c'est le contraire dans notre religion. La reconnaissance est très importante. Suivant Abdullah ibn Amr ibn al-As, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la yanzur Allah tabaraka wa ta'ala ila mara'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Allah le Très-Haut ne regarde pas. Il ne regarde pas le jour de la résurrection une femme qui ne témoigne pas de la reconnaissance à son mari alors qu'il ne peut pas se passer de lui. C'est un hadith rapporté par Nasa'i et Al-Bayhaqi. Al-Hakim a dit que la chaîne des rapporteurs de ce hadith est authentique. Donc attention, attention à une femme qui ne remercie pas son époux. Allah ne la regardera pas. C'est-à-dire qu'il se désintéressera d'elle. Ce n'est pas qu'il va l'oublier, ça veut dire qu'il va la mettre à l'écart. À Dieu ne plaise. Suivant Abdullah ibn, dans un autre hadith, celui-là c'est le hadith d'Abu Huraira. Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: écoute bien, chère sœur, écoute bien ce hadith-là. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. S'il m'avait été permis d'ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, c'est bien à la femme que j'aurais ordonné de se prosterner devant son mari en raison du droit énorme qu'il a sur elle. En raison du droit énorme qu'il a sur elle. La suite du hadith. ولا تجد حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. Il ne trouvera la douceur de la foi que si elle acquitte, elle s'acquitte du droit de son mari sur elle. ولا تجد حلاوة الإيمان. Il ne trouvera pas la douceur de la foi que si elle s'acquitte du droit de son mari sur elle. Ça a été rapporté par Ahmed ibn Majah et Ibn Hibban. Donc le droit, son droit est très important. Tu ne peux pas le combler si jamais tu es ingrate envers ton époux. Tu ne peux pas rattraper ça. Même si tu multiplies les prières, même si tu fais l'aumône, parce que son droit est très important. Et l'islam, il insiste sur ce point. Il veut sauvegarder les foyers. Notre défaite maintenant devant les ennemis d'Allah, c'est parce que nos foyers sont ruiné. La relation de l'époux avec l'épouse n'a rien à voir avec les prescriptions de l'islam. Donc, chères sœurs, quelques paroles de remerciement et de louange, des invocations. Invoque Allah pour ton mari. C'est rare qu'on trouve une femme invoque Allah en faveur de son mari. Qu'Allah t'aide, mon mari. Qu'Allah t'aide, mon bien-aimé. Qu'Allah te récompense. Qu'Allah te sauvegarde. Ça fait de l'effet à l'épouse, subhanallah. Et comme art aussi, c'est savoir demander des excuses. Tu fais ça pour Allah. Même si ton mari, il néglige certaines choses, mais toi, tu dois être sensé et tu fais pour Allah, pour gagner le paradis. Comme art aussi, et pour aussi, pour préserver ton foyer. Comme art aussi, c'est savoir demander des excuses, comme j'ai dit. Bon, la femme est un être humain, normal. Il lui arrive de négliger certains devoirs, quoiqu'elle tâche de le faire convenablement. Mais il lui arrive de faire des erreurs. Qu'en est-il alors si, d'elle-même, elle néglige certains devoirs, ou se montre d'elle-même indifférente vis-à-vis de certains droits de l'époux? Donc le meilleur moyen pour combler ces lacunes, c'est de demander pardon à son époux. Et de revenir à lui. Je suis certain que la parole la plus douce qu'un homme espère entendre que son épouse lui dise quand elle commet une négligence, c'est « excuse-moi ». Quelle que soit l'erreur, ou « pardonne-moi ». Il ne s'agit pas là d'un rabaissement de la femme ou d'un orgueil de l'époux, comme le fait imaginer Satan. Il gonfle jusqu'à chuchoter à la femme, écoute, tu vas t'abaisser devant lui, tu vois. C'est comme les, subhanallah, on donne toujours l'image que l'époux est un ennemi et qu'il faut toujours se mettre en garde contre lui. Et certaines femmes se passent les consignes, tout comme certains hommes se passent la consigne suivante, méfie-toi le premier jour, il faut pas baisser les bras. Les femmes aussi, ils disent la même chose. Ne te laisse pas aller, attention, tu lui demandes pardon, ça veut dire un rabaissement, c'est quoi lui? Subhanallah. Chuchotement du shaitan, et c'est comme si tu es en train de réaliser les plans des sionistes et des ennemis d'Islam qui veulent ruiner chaque foyer. Donc ce n'est pas un rabaissement, mais c'est parce que l'homme de nature est créé pour aimer la femme. Il est facilement séduit par ses paroles. Une excuse de la femme, un pouvoir magique sur l'homme. Le prophète n'a pas dit « Hubbib li min dunyakum an-nisa wa at-tayyib wa ja'alat qurrata 'ayni fi as-salat » Allah m'a fait aimer dans la vie que vous vivez, Allah m'a fait aimer les femmes et le parfum. Et la fraîcheur, la prunelle de mes yeux, c'est la salat. Donc il est de nature, il est créé pour aimer la femme. Il est facilement séduit. Donc l'excuse, un pouvoir magique sur lui. Quelques mots doux transforment la colère en une satisfaction et une joie. Quelques mots doux et tu vois le lion se transformer en agneau. Quelques mots doux et la rougeur de la colère devient rougeur de la pudeur. Utilise cette arme-là. Ibn Abbas, écoute très bien ce hadith-là. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit: vos épouses dans le paradis sont celles qui sont affectueuses, fécondes et enclins à demander pardon à leurs époux. Nisa'ukum min ahli al-jannah al-wadud al-walud al-a'ud 'ala zawjiha. Vos épouses, je répète le hadith, vos épouses dans le paradis sont celles qui sont affectueuses, fécondes et enclins à demander pardon à son époux. العود على زوجها التي إذا غضبت جكنتين الحديث التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. Quand l'époux de l'une d'elles se met en colère, elle vient jusqu'à lui, met sa main dans la sienne et lui dit: je ne goûterai le sommeil que si tu y es satisfait de moi. نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. Vos épouses, c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui dit ça. Vos épouses dans le paradis sont celles qui sont affectueuses, fécondes et enclins à demander pardon à leurs époux. Quand l'époux de l'une d'elles se met en colère, elle vient jusqu'à lui, met sa main dans la sienne et lui dit: je ne goûterai le sommeil que si tu y es satisfait. Hadith rapporté par Nasa'i et consorts. Et il a un hadith témoin dans hadith de Anas. Ce hadith-là de Anas, il est rapporté par Tabarani dans le Mu'jam Sarir. Et il est assez bon, c'est-à-dire du degré de Hassan. Comme il est qualifié d'authentique, qu'on peut le trouver dans la série des hadiths sahih du Cheikh Albani, rahimahullah. L'imam al-Manawi, le grand imam al-Manawi, dans son ouvrage Faïd al-Qadir, le fameux ouvrage Faïd al-Qadir, a dit, dans l'exégèse de ce hadith-là: celle d'entre elles qui se part de ses qualités mérite vraiment d'être parmi les femmes du paradis. Il est rare, il a dit, remarque, il est rare de trouver ses qualités chez elles. Fin de citation. Donc, chère sœur, où en es-tu de tout cela? Où en es-tu par rapport aux gens du paradis? Pourquoi te prives-tu d'être parmi les gens du paradis? Écoute, sœur bénie, bonheur dans ce monde, en vivant une vie heureuse avec ton époux. Bonheur dans l'au-delà, en étant parmi les femmes du paradis, à une seule condition, c'est se parer de ses vertus. Enclin à s'excuser, affectueuse, quelques mots doux, chère sœur, mets la main dans ton époux, ou mets la main dans la main de ton époux, et le conflit devient réconciliation. Et le climat tendu se dissipera. Et attention, attention, que ton orgueil et ton entêtement ne te poussent pas à détruire toute une famille et à rendre la vie de ton époux un enfer. Surtout si c'est toi qui es l'origine du conflit. Si c'est toi, c'est grave. Le bon foyer heureux, ce n'est pas celui qui est exempt de problèmes, mais celui dans lequel on sait comment gérer les problèmes, comment s'y prendre. Comme art, également, c'est l'écouter et l'obéir dans ce qui est convenable. L'obéir quand il s'agit de ne pas désobéir à Allah. Ça aussi, c'est un pouvoir séducteur qu'exerce la femme sur son époux. En l'obéissant, il gagnera le cœur de son époux. Et avant tout, la satisfaction de son Seigneur. L'obéir se trouve au sommet des adorations. Écoute bien, obéir à son époux se trouve au sommet des adorations. Elle est liée à la salat et au jeûne. L'obéissance de l'époux est lié directement à la prière et au jeûne. Suivant Abdurrahman ibn Auf, je donne toujours des preuves dans le Coran, dans la tradition authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu sois convaincu de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si la femme fait ses 5 prières, jeûne 100 mois, préserve son sexe et obéit à son mari, il lui sera dit, rentre au paradis par la porte que tu désires. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي. Quel mérite, quelle grâce de Dieu. Seulement, applique ces choses-là. Préserver le sexe. Jeûner 100 mois et prier, faire les 5 prières et obéir à l'époux. Donc, la récompense est grande. La porte que tu désires, tu veux rentrer dans la porte des jeûneurs ou des moujahidines ou des... Oui, tu as toute sa récompense, mais seulement tu y appliques ces choses-là. Mais beaucoup de femmes, elles négligent ce droit-là. Elles négligent le droit de leurs époux. Je ne sais pas, est-ce que il n'y a pas assez de leçons qui... On ne parle pas de ce sujet-là ou je ne sais pas pourquoi. Donc, à la femme de suivre ces consignes-là pour gagner l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le droit de l'époux est très important. Le droit de l'époux est très important. Et je continue, inshallah, le reste de ce dars. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.